pas qu'elle a septième tasse de café. La porte s'ouvre, je renverse le cendrier. Fausse alerte, c'est Paul André. Tu devrais pas tarder et je devrais pas me ronger. Déjà 2h du soir. D'aller jusqu'aux toilettes pour me refaire une beauté. Et j'en profite pour mater la pin-up à poil sur le calendrier. Merde, on est mardi et je te vois que le vendredi. Déjà 2h du soir.